Choisir qui sera le numéro 54, lieutenant de Saint-Anite ou capitaine d'Orange. Enfin, tu t'impatientes? Eh bien, tu vas pouvoir fixer ton choix. Ah, à ta place, j'hésiterai. Et toi, Saint-David, tu ne revois ni Morange, ni Antinéa. Quand viendra ton heure? Quand Antinéa sera-t-elle lasse de Morange et te fera-t-elle le signe qui te ramènera? Que t'importe en vérité que Tanit Zerga chante en ce moment pour toi? Thank you. bourdon, du tam-tam, le cognisson et clébite. Et les filles de Cannes ne prendront pas la fuite. Et coule le sang, le tapis nous emporte sur le bruit haletant et couloir de la danse. Faut pas, Tanit Zerga, t'abandonner à la tristesse, elles reviendront tes belles années. Tu connais toi la joie, tu connais toi l'amour. Hélas, Seigneur, je ne suis qu'une esclave, et mon corps en a. Petite rose du désert, sais-tu que tu es belle, que beaucoup jalouseraient ta grâce puérile et ta chair de bronze. Que suis-je auprès de notre reine? Jeune, à là, douce Tanizerka, aucune tristesse. L'amour a besoin de l'infini, sinon il n'est pas l'amour. J'ai compris, Seigneur. Je vais aller là-bas et te dirai ensuite si tu peux espérer. Que se passe-t-il? Que signifie? C'est qui retourne les voix? Ta colère! Tu peux parler? Je lui ai déjà dit que tu vas repartir chercher quelqu'un connu et le conduire ici. Pardonne-moi, Seigneur, mais tu fais erreur. Il me faut ici demeurer. L'ordre m'en a été donné. La farce est magnifique. Antinéa est amoureuse. Tais-toi! Ou des mains que vas-tu, j'éteindrai le blasphème. Sors-tu d'ici, oiseau de ténèbres et de deuil. Je ne veux plus vous voir. Sortez! Va-t'en, va-t'en, comme les autres! Mais ce vrai... Non, je ne le croirai jamais. Hélas, souffrance infâme, la mort qui fait mon ennemi et mon unique ami. Souffle sur Saint-David. Il veut savoir. Quittant sa chambre, à l'insu de tous, il parcourt les galeries. Il atteint le jardin secret proche de la chambre d'Antinéa. Et voici Morange. Morange et Antinéa. Une Antinéa différente, ni hautaine, ni railleuse. Antinéa s'offrant à Morange, qui lui refuse l'offre sans limite. Voici la chambre d'Antinéa. Mais où est-elle? Au mépris de la tempête, serait-elle par là, dans les jardins secrets, où ne peut avoir accès que l'amant de la nuit? Non, ce n'est pas possible! Éloigne-toi, attends. Les ruses de ta loi, sans pouvoir se révèlent. Tes yeux sont impuissants, souveraine trop belle. Ô Dieu omnipotent, je suis fidèle. Au profond de mon cœur brûle une flamme ardente et secrète. Mon âme est en fête. Je ne crains ni la mort, ni la douleur dans l'ombre de la croix. Éloigne-toi, attends, je sais que tu es belle. Et moi-même, parfois, je tremble d'être infidèle à mon Dieu, à ma foi. Vaine tentative, c'est de toi-même que tu es captive. Écoute, écoute ma prière, accepte la lumière. Rends-nous à la liberté, qu'as-tu fait de mon frère? Laisse-moi retrouver le miroir de son amitié, plus forte que ta beauté. Et la colère gronde dans ta poitrine, Antinéa. Mais qui est là? Saint David. L'encens et la vengeance nouent leur volute. Saint David fera payer à l'autre son refus. Arme ton bras, Antinéa, et danse, danse autour de lui afin de mieux le griser de ton parfum, de la vision magnifique de ton corps. Pardonne, je t'appartiens, je suis à toi. Je t'aime. Thank you. tu as frappé ton meilleur ami. Quand tu t'éveilleras du cauchemar, tu seras seul. Seul et prisonnier. Assassiné, je te hais, Antilla. Je te hais d'avoir arraché mon bras. Mes mains ont voulu te frapper quand tais-toi, règle m'ont échappé. Quel est ce bruit? C'est moi, Tanitzerga. Tanitzerga, chère petite chose, tu es ici au risque de ta vie. Que veux-tu donc de moi? Te sauver, oui, te sauver. Partir, à quoi bon le tenter? Écoute, Tanitzerga, tu dois t'enfuir et je pars avec toi. Toutes les portes sont gardées. Allons, petite fille du désert, détourne-toi de mon destin. Vois cette corde qui descend jusqu'au pied de la falaise. La nuit nous est complice, les étoiles nous guideront. Fais confiance à Tanitzerga. Partir, vivre, je n'y crois pas. Tu dois vivre, vivre loin de cet enfer, loin de l'Atlantide. Et quand nous serons libres, tu me ramèneras vers Gao. Gao. J'hésite encore. Partir sans l'avoir revu. Ne songe qu'à l'évasion. Les puits sont loin, la soif ardente, dans le pays de l'épouvante. Et je m'apporte le destin. Après tout ce que j'ai souffert, la faim, la soif, et que je meure, tout vaut mieux que les chaînes d'Antilla. Va, je suis prête à te suivre. La paix soit avec toi, lieutenant de Saint-Avit. Sigir Benchek. Sois maudit, toi qui brises mon rêve. J'ai décidé de vous laisser partir. Oserais-tu désobéir? Tu m'as un jour sauvé la vie. Merci, Sigir Benchek, mais tout est inutile. Au pied de la falaise, Méharit attend. j'ai choisi le plus résistant. Tu penses encore, c'est Kirmenchek. Je te connais, ton cœur est sec, plus sec que le sable du désert. Tais-toi, Tanitzerga, petite mouche qui bourdonne sans raison. Sauve-toi plus tôt, sinon je pourrais t'écraser. Va, descends. Seigneur, sauve-toi, petite source pure. Il faut partir aussi vers le désert, vers le soleil, vers cette illusion que tu nommes liberté. Quelles sont tes raisons, Seigneur Benchek? Allah ordonne au juste une fois dans sa vie de laisser le devoir céder à la pitié. Tu m'as sauvé hier, je dois m'en acquitter. Au nom de l'Éternel, la loi s'est accomplie. Je saurai me souvenir. Je ne veux pas de ton merci. Et puis, Allah m'en est témoin, l'Atlantide te reverra. Jamais, jamais, si tu m'enfuis, tu ne me reverras. Seigneur Benchek, adieu. Au revoir, lieutenant de Saint-Avit. Les nuées se dispersent à la voûte du ciel. Une clarté la traverse d'un or artificiel. Source qui chantait sous les palmes de la verte oasis. Écoutez dans la nuit le calme, le long appel du targhi. Oh. Chamelle blonde, je vais sans fin. Le désert est un monde, pays de la soif et la faim. Immense s'étendent les dunes sous le soleil de feu, comme un océan d'infortune. De sable houleux. Dans cette solitude, la parole d'Allah m'emplit de gratitude. Grâce à elle, je puis m'aventurer, puis mon âme fit. Fuite à travers le désert sans bornes. Il marche, exténué, Saint-Avit et Tanit Zerga. Leur Méhari a succombé, eux-mêmes pressentent leur agonie. Plus une goutte d'eau et la chaleur atroce qui soulève des nuages de sable. La fièvre bourdonne en eux. Atteindront-ils jamais le puits qui les sauverait? Le puits que deux arbres morts doivent marquer au milieu de l'océan de feu. Zerga, voici le puits. Le puits où l'eau trouble la fleur, le puits où désaltéré nous lèvres. Si même, illusion de salut, la promesse du désert était un mirage encore, le puits est sec. Dieu tout-puissant. Reprends courage, Tanit Zerga, petite source qui chante. Hélas, la source s'est tarie, je n'irai pas plus loin. Je te sauverai, Tanit Zerga, qui m'a délivré. Ne cède pas au désespoir, ne t'endors pas sur tout. Une torche dont veux de toi. Ne regrette rien surtout, ta nuit mourra heureuse. Va, va ton chemin, marche sans trêve et sans fin, va jusqu'où tes forces te porteront, et lorsque tu seras libre, songe pour Yeah! C'était donc le troisième et le quatrième acte de l'Atlantide, drame lyrique en quatre actes et neuf tableaux de Henri Tomasi, d'après le roman de Pierre Benoît, sur un livret de Francis Didelot. L'interprétation était celle de Michel Herbé, Jean Mollien, Bernard Demigny, Jacques Mars, Jean Giraudeau, et Denis Savagna était le récitant. Le chœur d'hommes de l'ORTF et l'orchestre lyrique de l'ORTF, tous placés sous la direction de Pierre-Michel Lecomte.